Chapitre 59. L'incitation à vivre de son travail pour s'abstenir de demander. Allah Ta'ala a dit: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Puis quand la salat est achevée, dispersez-vous sur terre et recherchez quelque effet de la grâce d'Allah. Sourate 62, verset 10. 539. Selon Abu Abdillah, Az-Zubair ibn al-Awwam, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: il est préférable pour l'un d'entre vous de prendre des cordes, de monter dans la montagne, puis d'en redescendre avec sur le dos un tas de bois qu'il va vendre, afin qu'Allah préserve sa dignité, plutôt que de mendier auprès des gens qui peuvent lui donner comme lui refuser. Al-Bukhari. 540. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: il est préférable pour l'un d'entre vous de ramasser du bois puis de le porter sur le dos pour le vendre, plutôt que de mendier auprès des gens qui peuvent lui donner comme lui refuser. Al-Bukhari et Muslim. 541. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: David, alayhi salam, le prophète, ne vivait que du fruit du travail de ses mains. Al-Bukhari. 542. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Zakariya, le prophète Zakariya, alayhi salam, était charpentier. Al-Bukhari. 543. Selon Al-Miqdam ibn Ma'di Karib, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: personne n'a mangé de nourriture meilleure que celle obtenue par le travail de ses mains. Le prophète d'Allah, Daoud, David, sallallahu alayhi wa sallam, vivait du travail de ses mains. Al-Bukhari.